Tu m'en diras tant, tu m'en diras tant. Tu m'en diras. Faut que je fasse comment procéder pour t'aimer. D'écrire les mots de la sincérité, aucun mensonge, et pourtant la vérité fait mal, et je ne puis m'éprendre de toi. M'étendre à ton cœur, rien ne te touche, toi, rien ne te touche, toi, ni moi, ni je suis vaincu. Elle ne nage pas. Souris pas.